jamais marcher en tout côté, ni longtemps nous qu'à voyager. Depuis tant nous qu'à vivre, actuellement nous la nourrivons. Je dis, je nous que j'emmène l'OA, nous j'ai connais tout pays. En vieille chanson qu'a dit, mon pas mon l'autre bord, mon c'est mon.